Cours Legendre accompagne la scolarité de votre enfant à domicile et en visioconférence avec nos cours particuliers par des professeurs de l'éducation nationale, nos stages intensifs de révision et nos classes préparatoires aux écoles de commerce. Retrouvez-nous sur cours-legendre.fr. Les nuits de France Culture. Notez qu'il est plus tôt que l'on ne croit, passage à l'heure d'hiver oblige. Mais cette nuit n'est pas consacrée au changement d'horaire. Encore qu'une nuit de ce tonneau ne manquerait peut-être pas d'intérêt. Non, c'est bien à une nuit des dictionnaires que nous convions les auditeurs de France Culture. Nuit commencée en compagnie de Sylvie Andreu et Jean Pruvot, venus célébrer le bicentenaire de la naissance de Pierre Larousse et la parution de « Cher Pierre Larousse, 26 lettres » à Pierre Larousse, Bernard Chauveau, édition. Nous avons été à l'écoute d'archives l'émission Belles Lettres de Robert Mallet qui avait pour titre de l'utilité des dictionnaires diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale en décembre 1956, puis les décraqués de Bertrand Jérôme et François Strossard pour un dictionnaire différent de tous les autres. Ils avaient réuni autour d'eux en juillet 2000 Henri Cueco, Serge Joncourt, Gilbert Lascaux et Emmanuel Brouillard. Et à l'instant donc ce tire-ta-langue consacré en 1989 par Olivier Germain-Thomas à l'argot. Bonsoir Jérôme Robert. Bonsoir Philippe Garbi. Alors j'ai vérifié dans l'édition 2018 du Petit Larousse illustré, Paul Robert a droit à 5 lignes. Robert, Paul, Orléansville, Auge, doit être aujourd'hui, Schleff, Algérie, 1910, Mougins, 1980. Lexicographe et éditeur français, il a dirigé la rédaction du Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, 1953-1964, et du Petit Robert, 1967. Et dans le Robert des noms propres, à Pierre Larousse, parce qu'il faut faire le lien entre les deux, et là c'est plus long, il y a une douzaine de lignes. Larousse, Pierre, pédagogue, encyclopédiste et éditeur français, directeur d'une école primaire supérieure, il publia une série d'ouvrages pédagogiques destinés à renouveler l'apprentissage de la langue maternelle. Alors on donne la liste des œuvres et ça se poursuit. Son œuvre majeure fut le Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle, recueil encyclopédique qui fit appel à de nombreux collaborateurs et qui joint une énorme masse d'érudition à une liberté d'esprit souvent déconcertante. Vous, Jérôme Robert, vous publiez depuis plus de 20 ans le Dictionnaire interactif des sciences et techniques, mais ce n'est pas pour cette aventure, cette entreprise remarquable que vous êtes notre invité cette nuit. C'est pour le livre que vous venez de publier aux éditions du Palio, intitulé « Paul Robert, l'aventure du dictionnaire Robert », préface de Jean Pruvot, que l'on recevait en début de nuit. Alors, Jérôme Robert, quand on imagine les jeunes adolescents du 19e, du 20e siècle et de d'autres siècles du reste, et d'aujourd'hui 21e siècle, on imagine plutôt qu'ils sont en train de préparer des œuvres poétiques en 5000 vers, ou rimant ou non, ou plutôt des dramatiques, des textes théâtraux en 5 actes immenses et magnifiques, renouvelant le genre. Mais on n'imagine pas quand même qu'on puisse avoir envie, adolescent, de devenir lexicographe. Il faut un cerveau très particulier. Vous y avez réfléchi déjà, Jérôme Robert ? Je pense que c'est la culture qui doit l'emporter sur les aspirations des jeunes. La lecture, je pense que le fait d'avoir lu très jeune, pour mon grand-père, a dû vraiment jouer un rôle important. C'est vraiment la pratique de la langue en tant que lecteur, tout d'abord, et puis en tant que qu'étudiant. En fait, si vous avez vu dans ce livre l'originalité du parcours de mon grand-père, mais aussi, je crois, de pas mal de lexicographes, c'est que rien ne les prédisposait à devenir des lexicographes. Donc il n'y a pas de réponse à cette question, finalement. Oui, mais enfin, c'est quand même très rare de vouloir devenir lexicographe. Voilà, c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi on devient... Pourquoi on fait un dictionnaire? Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? Je me suis penché un petit peu sur la biographie donc des illustres prédécesseurs de mon grand-père, donc Littré, Émile Littré. Le vieux Littré, c'est Jean Robert qui dit qu'il a pratiqué le vieux Littré et les 6 volumes du Larousse du XXe siècle. Voilà, c'est vrai que c'était une référence un peu écrasante, tellement écrasante d'ailleurs que finalement elle a peut-être aussi un petit peu glacé la fille qui a voulu garder l'œuvre figée absolument l'œuvre de son père dans une espèce de respect absolu qui fait qu'il n'a pas été mis à jour pendant tout ce temps. Et du coup, il fallait le remplacer. Ça a été l'idée toute simple, finalement, de Paul Robert. C'est se dire, bon, le Littré est un peu dépassé, eh bien, je vais le remplacer. C'est exactement ça, c'est ce qui l'a motivé. Donc, c'est une époque où les lettrés, je dirais les lettrés fortunés, pouvaient accéder au Littré. Et donc c'est resté une référence, mais avec cette idée qu'il fallait le mettre à jour. Donc c'était il y a de nombreux auteurs qui m'ont exhorté à ce qu'on mette à jour le Littré, qu'on fasse entrer la littérature moderne. Quand je dis la littérature moderne, il faut entendre les romantiques déjà, parce que Littré s'était arrêté, paraît-il, aux alentours de 1820, quoi. Et par des goûts, et puis par son goût pour la philologie, l'histoire de la langue. D'ailleurs, c'est un ouvrage considérable, mais effectivement, aux alentours de la moitié du 20e siècle, il y avait un besoin de mettre à jour cet ouvrage. Alors, Paul Robert, lui, il n'a pas commencé par les lettres, finalement, il a commencé par les chiffres, en tout cas son service militaire, il travaillait pour Le Chiffre. Est-ce que ça a pu jouer, ça? Voilà, vous savez, Le Chiffre, donc c'est ce domaine dans lequel on crypte les messages, on les décrypte, on les déchiffre. Et finalement, c'est le premier dictionnaire que mon grand-père a fait. C'est assez curieux, hein. C'est un signe du destin. Il a, bon, sans doute, c'était son état d'esprit de, je dirais, un peu d'ingénieur qui classifie les choses. Il y a un peu ce côté, finalement, de rigueur, de volonté de mettre à plat, et de vulgariser aussi, de rendre pédagogique. Donc il avait mis son travail sous forme de dictionnaire. Déjà, dictionnaire du chiffre. Et ça, il travaillait pour l'État, alors pour le... Travaillait pour l'armée, oui. Pour l'armée, oui. Absolument. Donc, il est né en Algérie. C'est donc une famille qui n'a aucun rapport avec les dictionnaires. De toute façon, est-ce qu'on est lexicographe de père en fils ou de mère en fils? C'est pas certain. Il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas forcément de lien. Il était, je vous dis, pas vraiment destiné à rentrer dans cette carrière originale. Même a priori, tout le disposait à être comme ses aïeux, comme son père, comme son grand-père, des colons. Hein, il faut appeler un chat, qui ont cultivé la terre de cette région de l'ouest de l'Algérie, donc Orléansville, et qui s'était illustré d'abord dans la meunerie, puis après les oranges, dans les oranges, voilà. Et c'est justement ce détour par la culture des agrumes qui a joué un rôle vraiment crucial pour que mon grand-père arrive au dictionnaire. Alors pourquoi? Vous avez passé des agrumes au nom commun puis au nom propre, puisqu'il y a Robert 1 et Robert 2. On peut se demander, mais effectivement, il a commencé un petit peu à travailler, enfin à faire des études dans le domaine de l'agronomie, j'imagine au grand plaisir de son père. Et puis rapidement, il s'est engagé dans des études de droit. Donc quelqu'un un peu des études très longues. C'était assez complexe parce qu'il y a eu la guerre à ce moment-là. Enfin, mais rapidement, il a rejoint un petit peu les deux. Le droit et l'économie étant voisins à cette époque, il s'est engagé dans une thèse sur les agrumes dans le monde. Voilà, c'est un sujet qui était cher à sa famille. Il avait fait aussi un voyage en Californie. Alors, pour la petite histoire, quand mon premier aïeul qui avait foulé le sol algérien était parti donc rejoindre ces contrées, au départ, il devait aller en Californie où beaucoup de colons partaient, enfin beaucoup de gens allaient émigrer. Et finalement, mon grand-père avait eu l'occasion d'accompagner son père dans des voyages pour étudier la culture des oranges. Et il s'était consacré à ce sujet. Et c'est donc dans la rédaction de cette thèse qu'il a éprouvé le besoin de son dictionnaire. Et puis aussi, c'est quand même les études de droit, parce que si on en écrit un poème, puisqu'on disait tout à l'heure, ou un roman, on peut être flou, on peut faire dire aux mots ce que l'on veut, ou être dans l'ambiguïté, mais dans le droit, interdiction totale d'être dans le flou. Oui, je crois que c'est très important, c'est cette notion du défini, justement. Les choses doivent être claires, définies, dans les sciences, dures, fondamentales, mais aussi dans le droit. Et je crois qu'il y a cette double, cet esprit de géométrie, cet esprit de finesse qui sont un peu à l'œuvre dans un dictionnaire. Il faut à la fois, notamment dans un dictionnaire de langue, comme ce nouveau Littré que mon grand-père a voulu faire, puisque c'était son projet. C'était le nom de la société, d'ailleurs. C'était le nom de la société, tout à fait, société du nouveau Littré Le Robert, qui est après qui a été un peu oublié au fil des années, mais Mon grand-père y tenait, il avait même eu l'autorisation de, d'un descendant de Littré. Bah, pour... J'imagine, oui, on ne peut pas s'approprier comme ça le nom Littré. Absolument, oui, voilà, c'était une caution. Et effectivement, voilà, il faut. Je crois que le fait d'être passé par des études de droit a dû jouer dans sa formation intellectuelle, en tout cas, c'est certain. Alors, vous racontez Jérôme Robert dans ce livre Paul Robert, donc l'aventure du dictionnaire Robert, à quel point, oui, il faut quand même être d'une famille riche, sans doute, parce qu'il faut. Un temps incroyable, il faut des décennies pour arriver à la publication, même s'il y a des pré-publications, mais enfin à la publication finale, encore que le dictionnaire va s'améliorer, se transformer, et c'est ce qui en fait sa richesse. Comment se passent ces années-là aussi? Parce qu'il veut, c'est aussi une aventure économique. Il cherche des souscripteurs, il y a beaucoup d'argent en jeu et il y a beaucoup de risques financiers. Oui, absolument. D'ailleurs, quand on se penche un petit peu sur l'histoire des dictionnaires, il y a souvent un couple éditeur-auteur. C'est une entreprise, hein, dans le sens le plus général, mais c'est une entreprise très ambitieuse, très lourde en termes de moyens. Et Littré, donc, avait son ami Hachette, qui a été son éditeur. Donc, vous voyez, il y a déjà dans l'exemple du Littré, il y a ce double aspect. Et mon grand-père, bah, il se trouve qu'il réunissait les deux. Il avait cette fibre d'entrepreneur. Il n'y a pas d'autre mot. Enfin, je dirais même presque. On peut presque qualifier le Robert d'une start-up des années 50. Quoi. C'était vraiment avec cette idée, si vous voulez, d'innover. Alors l'innovation, c'était renouveler le Littré, mais aussi y introduire l'analogie. On pourra y revenir, j'imagine. Mais donc, trouver des moyens sous forme de souscription, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle un peu le crowdfunding, ou lever des fonds. Enfin, il y a toute cette dimension dans laquelle il fallait avoir énormément d'énergie, de force, de conviction. Et c'est vrai que c'était ce caractère que mon grand-père avait, je crois. Ce talent de réunir des hommes aussi, des talents, de réunir des compétences bien autour sûr, de lui. On n'est pas seul quand on fait un dictionnaire. Absolument. Et effectivement, c'était le premier, je crois, à accéder à des études supérieures dans sa famille, puisque ben, vraiment, il descendait de... Son grand-père était... Un migrant quelque part qui avait un journalier réussi, au départ voilà ouais. qui s'était lancé bah si vous voulez il était arrivé à Orléansville et il avait créé un petit moulin qui avait fini par réussir par marcher et puis là-bas il y avait des besoins considérables parce que la ville a grossi avec la population et c'est vrai que je crois que mon grand-père c'était le premier à aller à l'université et donc même à faire une thèse je crois qu'il y avait il avait en même temps gardé cette fougue un peu cette ambition cette impétuosité quelque part des pionniers quoi qui pour lesquels finalement rien n'est impossible. Alors, il a dû prendre un plaisir certain à écrire, à rédiger l'entrée agrume, je suppose. Oui, absolument. Je pense que c'était un peu son dada. Mais d'ailleurs, tous ces centres d'intérêt, j'imagine qu'il a dû effectivement prendre la direction des opérations lui-même, même si. Au fur et à mesure, donc, son équipe grossissait. Alors, est-ce qu'il s'agit vraiment du premier dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française? Bah, il me semble. Vous nous expliquez à analogique. Oui, absolument. Ben, si vous voulez, l'analogie, c'est simple. C'est l'idée d'utiliser systématiquement les associations d'idées dans un dictionnaire. Finalement, il faut avoir lu des tonnes de tomes. Ben, c'était vraiment le point de départ de son projet puisqu'il était sur la rédaction de sa thèse sur les agrumes dans le monde. Et donc, je vous disais, effectivement, il y avait la Californie, il y a beaucoup de termes anglo-saxons, d'ouvrages même en espagnol parce que, voilà. Il était sur la difficulté de traduire de manière vraiment fine et juste les termes. Et c'est ce qui l'a amené à cette idée d'analogie. Au départ, c'était sur un besoin de traduction. Et puis, progressivement, il est venu à l'esprit que cette notion-là, le fait de faire des listes de vocabulaire par thème et de renvoyer du mot à l'idée et de l'idée à d'autres mots permettant de traduire de manière plus fine, il s'est rendu compte que à l'échelle de la langue française, c'était quelque chose qui lui manquait énormément aussi pour rédiger. Alors je crois qu'il ne connaissait pas l'existence des dictionnaires analogiques qui sont de pures listes de vocabulaire et donc sans aucune définition et sont son idée, alors elle est toute simple, mais l'application était un peu moins facile. C'était de réaliser, je dirais, la combinaison entre les définitions et toutes ces séries de renvois d'un mot à un autre. Quoi. Il faut avoir une bibliothèque extraordinaire. Alors c'est à ce moment-là que, après-guerre, il a eu son idée en 45. En 1945, lors d'un passage en France, dans sa région d'origine des Hautes-Alpes, à Gap, au-dessus de Gap, dans le Champsaur, tout d'un coup, il a eu un peu son eureka. Bon, je crois que c'est de bon goût d'avoir un peu un mythe fondateur, mais je crois qu'effectivement, à cette époque-là, il rédigeait sa thèse et il s'est lancé lui-même dans des listes de vocabulaire en épluchant les dictionnaires précédents. Le dépouillement. On dépouille, on épluche, on décortique. C'est vrai que c'est le pas du genre. Oui, mais pas seulement les dictionnaires. Il faut aussi aller dans la littérature. Absolument. Et le Robert, ce qu'on aime dans le Robert, c'est que justement, on est renvoyé régulièrement à des auteurs. Alors, des auteurs très connus, mais d'autres moins connus. Si on est un petit peu curieux, on cherche dans quel roman vient cette citation. Et c'est un jeu comme ça, permanent et sans fin. Absolument. Je crois que dès le début, il a missionné des auxiliaires qui lisaient pour lui Voltaire, Rousseau, les classiques, les auteurs, les grands auteurs, les grands écrivains, pour y piocher des citations. Donc ça a été, je dirais, tout son travail préparatoire qui a duré jusqu'en 1951. 51, c'est la date que je retiens parce que c'est là où il publie son premier fascicule. Il est quasiment seul avec ses quelques aides. Et ce fascicule, du début du A, est primé par l'Académie française. Avant même que ça sorte, finalement. Avant même qu'il y ait qu'il y ait la moindre structure économique portant le projet. Quoi. C'est presque à titre personnel qu'il a proposé, encore une fois, un peu le don de l'entrepreneur. Maintenant, on appellerait ça un pitch ou une communication bien réussie, une propagande. À l'époque, on parlait de propagande. Il savait faire ça. Il avait aussi son projet en tête qui était de, Alors, on imagine en plus qu'avec les analogies, quand vous parlez d'animal, faut renvoyer à zoologie, évidemment. Mais vous imaginez qu'il a fallu avoir une grille qui était préparée. Malgré le fait que, bien sûr, dans tous ces projets, Littré n'échappait pas à la règle, vous prévoyez, je crois qu'il prévoyait 3 tomes et puis il y en a eu 6. Oui, ça, c'était repoussé. Alors, il faut que les souscripteurs attendent, soient d'accord pour que, finalement avoir immobilisé les fonds. C'est toujours, en effet, cette aventure du dictionnaire Robert, c'est vraiment une aventure éditoriale, intellectuelle, mais aussi commerciale et un peu inquiétante. Ça aurait pu vraiment tomber à l'eau. Il fait appel à des collaborateurs. On connaît Alain Rey, Josette de Beauve, ça a été les deux premiers, ou enfin les tout premiers. En 53, Jérôme Robert, vous nous dites qu'il y a 10 000 souscripteurs, et 2 ans après, il y en a déjà 20 000. Ce qui veut dire que c'est... Alors que rien n'est vraiment publié, en tout cas en tome comme ça, intégral. Quoi. Donc il faut avoir une confiance incroyable dans votre grand-père, en Paul Robert. Oui, je crois que c'est une des belles... C'est un des beaux aspects de cette aventure, c'est le fait qu'effectivement un très grand nombre de souscripteurs ont suivi le projet, ont soutenu mon grand-père. Sans eux, le dictionnaire n'aurait jamais paru en 64. Et mon grand-père était très conscient de ça. Il avait d'abord, c'était son activité principale au plan commercial. Ça a été d'ailleurs, il y a eu un très fort engouement, je dirais, d'un concept totalement obsolète et ancien et oublié, qui est l'Empire colonial français. Les gens dans des quatre coins du monde, comme on dit, d'Indochine, Madagascar, sans parler évidemment du Maghreb ou les départements là. Ouais. Voilà, on est carrément des départements en Algérie. Il y a eu un véritable engouement, et puis bon, en France, très rapidement, il y a eu une équipe commerciale très active, et c'est vrai que ça a été un succès presque inattendu, je dirais, quand on regarde ça avec un peu de recul, on dit, mais... Et surtout quand on se plonge dans notre époque où on veut tout, tout de suite et maintenant, là, effectivement, les gens ont fait preuve d'une patience d'ange. Oui, c'est vrai. Alors, vous nous le décrivez, votre grand-père, avec ses journées de travail. Donc, il lit le matin, ensuite, il marche dans la ville. Et ça, c'est important. Et puis, il rédige l'après-midi. Enfin, l'après-midi peut se terminer à 3 heures du matin. Oui, c'est. Je crois que c'était quelqu'un qui avait placé la régularité comme le principe de son action, avec en même temps en sachant vivre. C'était quelqu'un qui savait vivre sous tous les plans. Je crois qu'il n'a pas renoncé à sa vie d'homme sous toutes ses facettes. Ouais, il a publié des mémoires aussi. Il a publié des mémoires qui en attestent. Mais en revanche, il n'y avait pas un jour sans labeur. Je crois. C'était ça marche à suivre. Alors, il y avait les souscripteurs, il y avait aussi les académiciens, puis il y avait des écrivains qui, enfin vous en citez un, c'est Jules Romain, et qui disait, moi, en gros j'aimerais bien être dans le Robert. Enfin, est-ce que les écrivains commençaient à comprendre que c'était quand même une chance, parce qu'ils n'étaient pas dans le Larousse du 19e siècle, ça par définition, mais si seulement ils pouvaient être dans le Robert s'écrivant et allant être publié. Oui, c'est vrai une reconnaissance, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a eu ces. Bon, ça, c'est. Je crois que c'était des amis, enfin, en tout cas, des relations qui sont devenues proches, comme Georges Duhamel aussi, qui a été une sorte de mentor, de parrain pour le Robert. Mais effectivement, il y a une relation très étroite qui s'est établie avec les écrivains, d'ailleurs avec l'Académie française, qui finalement est composée d'écrivains. Donc, je crois que le fait de rendre hommage et de restituer, de réintégrer finalement la littérature, y compris la littérature contemporaine, dans un ouvrage de référence, a eu cet écho auprès de des gens de lettres. C'était habile aussi. C'était habile, tout à fait. Oui. C'était habile et je crois utile aussi parce que si on après on se prolonge à la si on considère l'ouvrage fini. Voilà, il y a eu justement cette possibilité offerte à un grand nombre de lecteurs de pouvoir accéder à la littérature et c'est effectivement l'un des intérêts de ce dictionnaire. Alors donc ce qu'on appelle le grand Robert, donc, et alors il faudrait parler de tous les Roberts qui ont suivi le franco-anglais avec Collins, le dictionnaire étymologique, enfin voilà, tout ça, c'est l'aventure éditoriale et intellectuelle se poursuit, mais en tout cas du vivant de Paul Robert, il y a eu, alors est-ce que ça s'appelait le grand Robert? Oui, le grand Robert. Tout de suite? Oui, je crois que c'est rapidement. Le grand Robert est devenu grand parce qu'il y a eu le petit. Non, effectivement. Alors là, je ne saurais dire exactement, mais je crois qu'il y avait dictionnaire alphabétique analogique de langue française. C'est un peu long, donc voilà, assez rapidement. Je crois que la dénomination de grand Robert a été adoptée. Effectivement, 3 ans après, en 67, et donc immédiatement après la parution du grand Robert et son succès. Sans faute de quoi, il n'y aurait pas eu de suite. Et son succès, je dirais, venant confirmer tout cet engouement de souscripteurs, mais il fallait en plus le porter devant un marché plus large. Immédiatement après cette parution, mon grand-père a décidé de lancer l'opération Petit Robert, si j'ose dire. Et là, je crois que c'était le coup de maître. Bon, évident, puisqu'il y avait le précédent du Petit Larousse, c'est l'exemple. Mais c'est vrai que ça... Comme vous le savez, ça n'a rien à voir. On est face à un dictionnaire de langue qui finalement démocratise un outil beaucoup plus, érudit quelque part, un outil un peu, qui jusqu'à présent n'était pas aussi accessible. Et effectivement, le succès du Petit Robert, a dessiné, en tout cas, une double offre avec le grand Robert et son million de citations, je crois, et puis un usuel en un volume accessible à toutes les bourses, si j'ose dire. Alors, dictionnaire alphabétique et analogique, mais est-ce qu'il y a des dictionnaires qui ne sont pas alphabétiques? Pour moi, ce qui définit un dictionnaire, c'est quand même effectivement d'être alphabétique, mais bon, c'est bon goût peut-être de rappeler. On peut aussi peut-être les classer ça par thème. Ça va toujours étonner, parce qu'on oui, voilà, c'est rare d'un dictionnaire qui commencerait par la lettre L. Oui, ça pourrait être thématique éventuellement, mais dans ce cas-là, on est plus face à une encyclopédie. Oui. Effectivement, c'est peut-être une sorte de tautologie. Là. Ce Paul Robert, l'aventure du dictionnaire Robert que vous publiez, Jérôme Robert, édition du Palio, c'est donc évidemment un roman. Enfin, c'est un roman familial aussi, parce que alors on n'aura pas le temps, parce qu'il va falloir écouter toutes les archives. Mais il y a aussi un personnage qui s'appelle Vanda, qui n'est non pas votre grand-mère, mais la deuxième épouse de Paul Robert, qui est un personnage assez assez étonnant, non, extravagant. C'est un personnage en couleur, voilà. Je crois qu'il faudrait le talent d'un romancier, un romancier à part entière pourrait en tirer sans doute une œuvre intéressante. Moi, j'ai voulu décrire un petit peu le dessous des cartes, enfin le l'envers du miroir, comment en étant petit-fils d'un grand auteur comme ça, on vit les choses, on les voit avec 50 ans de recul. Oui. Vous êtes né, Jérôme Robert, d'ailleurs, l'année de la parution du Petit Robert. Voilà, absolument. Alors vous imaginez que ça m'a collé à la peau pendant ma scolarité. Oui, vous imaginez mon surnom. Bon, eh bien écoutez, Jérôme Robert, merci. Paul Robert, l'aventure du dictionnaire Robert. Donc encore une fois, une histoire de dictionnaire et aussi une histoire de famille. Enfin, voilà, il y a du roman. Édition du Palio, préface de Jean Pruvot. La nuit des dictionnaires se poursuit. On va pouvoir écouter un tire-ta-langue consacré au Gaffio, un de bouche à oreille consacré au dictionnaire d'un omnivore. René Alcaïm-Bollinger recevait Alain Chiffre en 2005. On recevra Alain Pozzuoli pour l'Irlande, plus tard Gilles Lapouche pour le Brésil, et puis il y aura beaucoup d'autres émissions consacrées au dictionnaire, quel qu'il soit. Merci, Jérôme Robert. Merci, j'ai permis. A, B, C, D, E, F, G, c'est comme ça qu'elles sont rangées. A, B, C, D, E, F, G, les petites lettres de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, c'est pas difficile. A, B, C, D, E, F, G. Téléchargez l'application Radio France pour découvrir, écouter des milliers de podcasts et toutes vos radios en direct.